said boys in heaven. Prehistoric garbage trucks. C'est Private Investigation, je crois, non? Je crois que c'est celui-là. Cherche. Ah, j'ai peut-être trouvé. Ah merde, il n'y a pas le titre, dommage. Ah si, je l'ai, bon, je l'ai. Comment ça, Bayou? Faut l'acheter? Ah non. Ah, je télécharge. Je vais essayer de le mettre, que tu puisses t'amuser un peu. Voilà. C'est le tempo. Salut Manu. Oula, il y a deux saxos là. Bon, Manu, c'est pas trop son truc d'Asweds, hein, je crois. Manu, très bon saxophoniste, mais c'est pas le style d'Asweds, hein. Je crois pas, hein, Manu. On t'entend pas. Enfin, moi, je t'entends pas. Mais avec Manu, tu vas pouvoir t'amuser. Tu l'entends, toi, Manu? Moi, j'ai pas de son. Si t'as besoin de conseils, demande, hein, parce que. Sauf que je me vois pas, mais c'est pas grave que tu te vois pas. Ah, mec, tu te vois pas où? T'as installé Reaper? Pendant ce temps, je bois mon thé. Mandarine orange, très bon ça. Bon, bah, je vous entends pas du tout, mais bon, c'est parce que vous jouez pas, je pense.